1, ce serait un petit loup qui s'appelle Grey et qui n'a pas besoin de 50 nuances pour faire le meilleur démarrage de la semaine au box-office. Donc, j'ai vu l'adaptation live du Livre de la Jungle, réalisé par Jon Favreau, c'est un réalisateur plutôt mal aimé, mais qui prend ici sa revanche contre ses détracteurs. Le terme d'adaptation live est très employé ces dernières années, et c'est plutôt synonyme de catastrophe avec le très mauvais Alice de Tim Burton, le fade Cendrillon de Kenneth Branagh, ou encore le décevant Oz de Sam Raimi, et ça me fait mal de dire ça, j'adore Sam Raimi. C'est pourquoi je ne qualifierais pas ce film comme tel. De toute manière, comment qualifier de live ou même de non-live un film dont le seul élément réel est un petit garçon de 13 ans ? Car oui, ce jeune comédien, Neil Setti, est seul sur le plateau. Et tout ce qu'il tient, regarde ou touche, est vert pour permettre aux magiciens de la post-production de faire des miracles. Je salue donc son impressionnante interprétation d'un Mowgli charismatique, attachant, jovial et sincère. Le reste du casting, qui est vocal donc, et lui aussi tout aussi impressionnant. On a Bill Murray qui nous livre un Balou complètement jouissif, à la fois cabot et sérieux. Scarlett Johansson qui est hypnotisante. Et Idris Elba complètement terrifiant en Shere Khan. Bref, le casting est dingue. C'est au niveau de l'adaptation que j'ai une petite réserve. Par exemple, sur le personnage justement de Shere Khan, il a des motivations différentes. Dans le dessin animé, il en veut aux hommes de manière générale, alors que là, il a une vendetta personnelle contre Mowgli. On apprend pourquoi à la suite d'un flashback un petit peu inutile d'ailleurs. Je trouve cet élément dommage parce qu'il réduit le rôle du tigre le plus terrifiant de la jungle à un simple revanchard. Et voilà, je trouve que ça réduit énormément ce rôle. En fait, le scénario est constamment le cul entre deux chaises. Il est tiraillé entre son besoin essentiel de coller au classique de Disney et son envie de raconter cette épopée différemment. Du coup, on nous sert un ovni qui ressemble énormément à un dessin animé qu'on a vu étant gosse, mais en retirant toute la dimension comique. Et bah finalement, c'est pas si mal. Voilà, il faut le savoir, c'est pas si mal, c'est sombre, parfois même c'est effrayant, mais le message et la morale passent différemment, et voire mieux, je trouve. Alors, ne vous inquiétez pas pour les groupies de Disney, et je sais qu'il y en a autour de la table. On a du fanservice, en veux-tu, en voilà. Et pas uniquement du Livre de la Jungle, mais j'ai repéré aussi quelques scènes piquées au Roi Lion et à Bambi, et je trouve ça super chouette. C'est vraiment du fanservice, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à Florian en tout cas. L'intégration des chansons du dessin animé est pas mal culottée, car ça aurait pu être complètement raté et à côté de la plaque. Là, disons que ça ne l'est qu'à moitié. C'est-à-dire que la chanson de Balou est rafraîchissante et en adéquation avec le côté léger du personnage. En revanche, malheureusement, le morceau de King Louis tombe complètement à plat et discrédite le personnage. C'est vrai, on nous présente un mafieux très inquiétant et imposant, et d'un coup, il se met à chanter doubidoubidoua comme Eddie Mitchell. C'est vraiment improbable, c'est limite gênant. C'est Eddie Mitchell qui fait la voix française. Paraît-il, je l'ai appris tout à l'heure. Voilà, j'avais déjà écrit ma chronique. C'est dément. Voilà. C'est magique. Effectivement. Donc voilà, c'est franchement gênant, c'est dommage pour le personnage, quoi. Le travail d'adaptation n'est donc pas parfait, mais le niveau est vite relevé par les qualités visuelles du film, vous vous en doutez. Pourtant, pas spécialiste de l'action, ici Jon Favreau sait mettre du rythme là où il faut. Il nous présente un film à la fois tendre et épique. Je n'aime pas toujours sa manière de pénétrer dans l'action à coups de petits zooms chirurgicaux, mais le reste de sa mise en scène étant vraiment maîtrisé, je trouve le film vraiment globalement réussi. On sent une maturité dans sa caméra, un véritable changement chez le réalisateur du gentillet Iron Man et de l'audacieux mais raté Cowboy and Aliens. La mise en scène de Favreau ne s'arrête pas à juste savoir placer sa caméra, elle se présente aussi sous la forme d'effets visuels à couper le souffle. Ça ne veut rien dire. Exactement. J'en parlais au début, la frontière est très mince entre le réel et la synthèse. Techniquement, je pense que là, on peut le dire, on a atteint la perfection. J'ai pris une claque visuelle comme rarement au cinéma, c'est bien simple. Je crois que je n'ai pas été tant émerveillée par des effets spéciaux depuis Avatar. Et justement, en parlant d'Avatar, je pensais regretter l'absence de la motion capture pour donner vie aux animaux. Alors vous savez, la motion capture, c'est cette technique qui fait que c'est vraiment le comédien qui joue le rôle et pas seulement sa voix. C'est vraiment le comédien qui joue le rôle et ensuite c'est retravailler l'ordinateur. Donc dans Avatar, dans le Tintin de Spielberg ou encore dernièrement dans The Hobbit, ce sont de vrais comédiens qui jouent et pas seulement leur voix. Du coup, je trouve beaucoup d'intérêt dans ce procédé et j'ai une grande admiration pour ça. Je pensais que ça me manquerait ici, et bien pas du tout. Au contraire même, je pense que ça aurait humanisé les animaux et ça n'est pas du tout le propos. Au contraire, ici on parle vraiment de la race animale, non pas par opposition à la race humaine comme le dessin animé, mais en cohabitation avec l'homme. La vision manichéenne du bien et du mal est beaucoup plus modérée, beaucoup plus nuancée. Dans notre monde, on parle souvent d'instinct animal, mais jamais d'instinct humain. Et c'est ce dont il est question ici. Mowgli est souvent réprimandé par ses amis animaux car il fabrique des ustensiles qui l'aident à rendre sa vie plus simple. Or, les animaux ne font pas ça. C'est un instinct humain. Mais c'est finalement ces astuces-là qui vont l'émanciper. Car c'est un film, avant tout, sur le passage à l'âge adulte. Vaincre ses démons, prendre ses responsabilités. C'est aussi un beau message de paix, notamment contre les discriminations interraciales. Alors pour ma part, c'est réussi, j'ai passé un bon moment, je ne me suis pas ennuyée. Donc j'ai abordé les quelques défauts plus haut parce que c'est un peu mon taf de le faire, mais permettez-moi de vous dire, on s'en fiche. On s'en fiche de ces défauts. Le film est beau, le film est tendre, fort et épique. Et qu'est-ce qu'il nous faut de plus au cinéma? Après tout, il en faut peu pour être heureux. Oh, bravo! Merci, c'est pas grand-chose.